La Société d'histoire de la République populaire démocratique de Corée a publié le 26 l'acte d'accusation sur les crimes à haute trahison de la famille de rénovation afin d'inscrire dans l'histoire comme une leçon les catastrophes et hontes que doivent subir la nation et les conséquences lourdes à prendre en charge à cause de l'apparition et des trahisons de la bande traîtresse telle que la famille de Park Geun-hye. Sous les titres 1. Descendant traître 2. Crimes sécessionnistes du père et de la fille 3. Nouveau record du despotisme de la famille dictatrice et 4. La plus scélérate famille incapable. Le dossier dénonce les crimes ultra-géants de Park Geun-hye, de sa famille de rénovation, qui, avec la traîtrise servile aux grandes puissances, la confrontation fratricide, la dictature fasciste, la politique antipopulaire, l'incapacité, la corruption, ont causé les catastrophes et hontes indescriptibles à la nation. Il indique notamment... Si le traître Park Chung-hee est mort par la balle de son fidèle au bout de son pouvoir pendant 18 ans, Park Geun-hye, qui a été séduite par la sorcière au bout des 18 ans de ses activités politiques, a fini par être ruiné. Il va sans dire que, sous peu, on verra la fin pitoyable de la première traîtresse Park Geun-hye et le jugement sévère de l'histoire et de la nation contre les membres corrompus de la traîtresse.